chier. Quant à moi, ça va me distraire. Ouais, je savais plus quoi faire. Je le vois sur le palier, il avait une drôle de tête. Viens chez moi, y'a de la bière, on s'est pris une casquette. Je l'ai ramené jusqu'au bord de sa fenêtre. Tant que je l'ai balancé, ah, ah, dis-moi qui se fait chier. Plus rien à picoler, personne à critiquer. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je vais sauter? Fait vivre la réalité.